Les feuilles de marijuana tombent, il neige de la coke. J'ai mis de la morora dans le terrier de René Lato. Tu sais qui est bois comme un violeur parmi les apôtres. Double K, double voix, double voix, double don. Le matin mal de dos dans mon lit à cause du semi-auto. Tranqué dans le matelas, plafond troué, normal, je viso. Le père, le pen et Marie sont attachés dans un zoo. J'ai mon bicep pédé, alors m'appelle pas poteau. La nuit c'est le moment où je vis, je tape ta réalité. Je suis où je nuis, où je rune le commissariat, où j'gille, où j'épuis l'inspi. On raille, je vais pas me faire chier en boîte de nuit. Je coupe tes talons aiguilles, je décapant sur ton vernis. Je reste dans un bang, je fais des gosses en gang bang. J'ai une âme quand je sors, juste une lame sous ma langue. Je pense seul, je tue seul, j'impliquerai pas une banque. Tes enfants ouvrent la bouche pour boire la pluie acide et mes sangs. J'ai armé, dangereux et mentalement dérangé. Je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600. J'ai danger, armé, dangereux et mentalement dérangé. Je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600. Je fais danger, tu veux me rencontrer, tu ne verras qu'une ombre. Tu veux me cacher, tu ne seras qu'une tombe. Je suis armé, dangereux et mentalement dérangé. T'as un groupe, vive ma liberté, bien d'avoir une vie rangée. Dans le village, on m'a drogue au bourgeois. Si j'ai le poids, je te fais croire. Mélange farine, mes dents, mes sous, j'assure mes scènes, j'ai mes fournisseurs. Mais j'ai une voix, t'es malade. Tu kiffes trop ma marijuana. Ben voilà, toi t'es malade. J'aime me promener, mais armé d'une tronçonneuse. Je respecte les femmes que quand c'est des grosses suceuses. Vous savez, les gens que j'aime pas, je suis direct. Maintenant, tu sais, gars, faire tapiner des petites malades pour qu'ils chopent le cigare. J'ai perdu mes doutes, je reprends de la cocaïne. J'ai perdu la scie, la soude, j'ai perdu Kurt Cobain. J'ai perdu ma route, je suis pas un showman. Qui sait, je suis peut-être un putain de schizophrène. J'ai armé, dangereux et mentalement dérangé. Je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600. C'est danger, armé, dangereux et mentalement dérangé. Je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups. Je ne bouffe que du chimique, m'imite pas de mimique, de synthèse et ma rythmique. Les VRP proposent leur merde, mais tu ne tues tiris. J't'arroserai juste de pour crevard si tu veux du liquide. J'écris quand je suis raide, plus de 100 grammes de champignons. Quand je vois des points noirs, Bob Marley me donne des missions. J'ai plus d'eau pour mes pilules, je les prends avec la vodka. Chez moi c'est French, version c'est Aquila à volonté. J'suis en or comme une araignée dans une ruche, comme d'eau de Javel dans une cruche, comme une bombe dans une peluche, comme de l'or dans une autruche. Quand la mort vient en embûche, un cactus sur une baudruche, le feu de ma bouche sans que bûche. Armé, dangereux et mentalement dérangé, je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600, c'est danger. Armé, dangereux et mentalement dérangé, je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600, c'est danger. J'en ferme les yeux et me vois, mon monde tout au bout des doigts. Kickbox, je tire dans la soie, je vis là où tu as fait. Maintenant ferme les yeux et me vois, mon monde tout au bout des doigts. Kickbox, je tire dans la soie, je vis là où tu as fait. Armé, dangereux et mentalement dérangé, je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600, c'est danger. Armé, dangereux et mentalement dérangé, je croque mes victimes, argent blanchi, changé. Je me baigne dans le sang avant de l'éponger. Je ferai ma route à coups de 600, c'est danger.